Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock 4 Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Et ce soir, une émission 100%, quasi, allez, 98%, Faire-toi Rock In Fest qui aura lieu le 16 septembre et ce sera à la Ferté sous Jouarre, c'est ça mon cher Tom? Dans le 77. Voilà. En France, hein. Oui, c'est à l'est de Paris, Charles de Gaulle, pour ceux qui veulent le situer à peu près. Pour les étrangers qui veulent nous rejoindre, par exemple, s'il y a des Québécois qui sont en vacances en région parisienne, vous pouvez. Qui, à ce point-là, ils vont se dire, tiens, on va aller s'amuser, bah, Faire-toi Rock In Fest, voilà. Voilà, vous tapez ça, Faire-toi, F-E-R-T-O-I-S. Vous avez tout, les running order et tout. On va vous en parler ce soir de toute façon. Puis l'équipe du Faire-toi sera avec nous dans quelques instants. Dans quelques instants. Quand elle aura sauté par-dessus les bouchons. C'est ça. Pas les bouchons de bouteille, hein, les bouchons de voiture. Alors nous avons commencé cette émission avec une nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté puisque c'est un live qui date de 1996. Mais c'est la première fois qu'il sort en CD. Et nous l'avons donc pour vous. C'est le Wembley 1996 Live. Et nous avons donc écouté I Fall to the Low en live, bien entendu, tiré de cet album qui est sorti le 30 juin 2017 chez Eagle Rock. Alors bien entendu, il y avait eu le DVD, le Blu-ray qui était sorti auparavant. Mais pour la première fois en double CD, 24 titres, eh bien vous avez ce magnifique album live du Canadien Bryan Adams. Donc ça nous permet, avec le Canadien Bryan Adams, de saluer nos amis, hein, Eric, John, Hugo et Hugo. Tous les autres. Hugo, t'as de la chance, franchement. J'aimerais bien ta place, Hugo. Parce que bon, c'est vrai que je t'ai pas salué, Tom. Bonsoir, Tom. Bonsoir, Phil. Ah ouais, mais c'est comme ça. Il y a des fois, on a des ratés, on a des loupés. Et ce que vous entendez en fond sonore. Tom va vous en parler. C'est sorti, c'est Nuclear Blast le 25 mai de l'année dernière. Ça s'appelle Death Angel. Ouais, mais pourquoi on les passe? On les passe parce que justement ils seront en concert à Paris au Petit Bain. Ça tombe bien parce que s'il fait chaud, vous allez pouvoir vous plonger dans le Petit Bain. Ce sera le 20 juillet. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Oni, pas celui soit qui mal y pense, hein, non, Oni, O-N-I, et puis Corrosive Elements, voilà, donc ne les ratez pas, super concert de Death Angel. Remarque, si vous les ratez, ils reviennent je crois en décembre avec Testament et Annihilator, une super affiche aussi avec Death Angel. Donc, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Ouais, y a pas de soucis. Bon, allez, on peut saluer nos invités, sans rien. Ils viennent d'arriver, nos invités. Ouais, super, ils ont des micros, au moins ils ont tout ce qu'il faut. Il faut juste qu'ils s'assoient. Voilà, qu'ils s'assoient par terre. Prenez une chaise, asseyez-vous par terre. Et puis, de toute façon, on revient vers eux tout à l'heure, puisque pour l'instant, on va parler des nouveautés. Parce que vous savez, même si on fait une émission 98% Faire-toi Rock Infest, eh bien, on a aussi quelques nouveautés, parce qu'on sait que vous aimez ça. Et puis surtout, on a des labels qui nous envoient des disques, et il faut quand même qu'on les passe. Donc nous allons commencer avec un vieux briscard qui s'appelle Monsieur Jack Star Burning Star. Ça c'est son Jack Stars Burning Star, c'est son groupe. Est-ce que tu sais qui est Jack Star à part Jack des Étoiles? Non du tout, non. C'est vrai. Alors je vais te faire ta culture. Ouais, ah. Parce que là, de ce que je vois, on est très loin. Ah, on a été très très très loin, hein, puisque le monsieur a commencé dans les années 80. D'ailleurs, sa musique s'en ressent énormément. C'est très très bien. Attention, hein, c'est très très bien foutu. C'est bon, tous ceux qui aiment. Creusé profond. Hein. Tous ceux qui aiment Manowar, Virgin Steel. Enfin tout ce true heavy metal, eh bien vous allez aimer Jack Star, ça c'est évident. C'est 7e album studio, il contient 12 titres. Il s'appelle comment mon cher Tom? Allez. Stand Your Ground. Exactement. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est moi, c'est un héros. Ouais, bravo. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien oui, alors on va retourner dans la genèse du monsieur. Il est né à Paris. C'est ça le pire. Et ouais, il est né à Paris et il a joué au tout début avec ce qui allait devenir des futurs Trust, mais qui étaient à l'époque des variations. C'est-à-dire Jeannot à la batterie et Petit Pois. Et Petit Pois, c'est marrant. Et puis après, il a émigré aux États-Unis en 1981, où il fut un des membres fondateurs de Virgin Steel avec Monsieur David DeFace. Qui a une carrière vraiment énorme. Et il a joué en fait sur les deux premiers albums qui sont Virgin Steel en 1982. Et il a joué jusqu'à Guardians of the Flame qui est lui sorti en 1983. Mm-hmm. Hein, donc je crois que j'allais me coucher parce que j'en ai déjà pris pas mal. C'est tête. Vrai ouais. Et en 85, il a fondé son propre groupe Jack Stars Burning Star, voilà, et il est devenu le frontman, ouais, il joue de la guitare, quoi, en fait, mais c'est super bien joué, super solo, de la super guitare et tout, c'est vraiment excellent, enfin, moi j'adhère complètement. Après, je sais que ceux qui n'écoutent pas que du heavy metal vont être un peu rebutés, mais voilà, c'est un très très bon album. S'il était sorti en 1988, comme dit le personnage, il en aurait vendu des millions. Il dit mais seulement là ça sort en 2017, il dit si j'en vends 3 ça sera bien. Il est quand même un peu lucide, mais bon. Nous enchaînerons ensuite avec Comeback Kid qui sont aussi des Canadiens. Des abrutis, non, t'allais dire des abrutis, des Canadiens qui sortent leur 6e album. Alors l'album n'est pas encore sorti, il sortira seulement le 8 septembre, donc c'est vraiment de l'exclu Lulu. Ça sort chez Nuclear Blast et ça s'appelle Outsider. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Absolute. Et on y retrouve Monsieur Devin Townsend dont on vous a parlé la semaine, il y a deux semaines. Hein, c'était il y a deux semaines, on vous a parlé de Monsieur Devin Townsend. Il y a quelques émissions, voilà. Voilà, parce que quoi? Parce que Devin Townsend était dans. Non, c'était il y a même plus pas que son ça. Groupe. Si, mais Devin Townsend Project, il devait être dans un festival, le Motoculteur peut-être. C'est ça. Hein, ça, oui, ça c'était, oui, ah, c'est ça. C'est ça, je crois. Ouais. C'est pour ça qu'on a parlé de Devin Townsend. Bon, bah là, il joue dans Comeback Kid. Donc vous allez pouvoir le retrouver sur ce morceau, un morceau très différent de ce qu'il fait d'habitude. Les Comeback Kids se sont formés en 2000 et c'est un groupe de hardcore punk. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et ils nous viennent de Winnipeg. Hein, quand même, pas mal hein, au Canada. Nous enchaînerons ensuite avec Nocturnal Rites. Alors tout le monde va me dire Nocturnal Rites, mais ils existent encore. Ben ils se sont résurrectionnés. Hein, résurrectionnés. Ouais, résurrectionnés quoi, je veux dire. Tu parles bien en France. Hein. Bah, ça c'est plutôt si au, ça Canada, trouve, au Canada. Voilà, si ça se trouve, ce terme-là existe au Canada. Hein. En tout cas, le groupe s'est reformé puisqu'ils n'avaient pas sorti d'album depuis quand déjà, je sais plus. 2007. Depuis 2007, ils n'avaient pas sorti d'album. Et donc en 2017, le 29 septembre, sortiront chez AFM je sais plus combien dième album, mais tu vas me le dire peut-être, Tom. Mais en plus, quand tu dis Résurrectionné, c'est que leur dernier album de 2007 s'appelait Résurrection, justement. C'est vrai. Et là, leur nouvel album sort. Non, il s'appelait pas Résurrection, j'ai marqué Résurrection. Il s'appelait pas Résurrection. Du groupe, le dernier album date. Résurrection, voilà. Du groupe. Voilà, non, c'est la Résurrection du groupe. D'accord, je croyais que c'était le nom de l'album. Il faut savoir ce que tu écris des fois. Donc, le groupe s'est formé. Allez, on continue. Le groupe s'est formé en 90. Voilà. Ils sont suédois. Le dernier album contiendra, c'est le 9e album. Donc, 11 titres. Contiendra 11 titres et sortira donc le 29. Le titre qu'on va écouter ce soir, Monsieur Tom. C'est moi. Before We Waste Away. Et l'album s'appelle Phoenix. Voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est un quintet de power mélodique. Voilà. Et bien, on va envoyer la musique. On va vous rappeler le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Il y aura des choses à gagner, ça. Hein, donc, restez bien avec ce numéro. Et puis, on envoie la musique, mon cher Tom. Hein, allez. Save your own my fight. Will you be the hero? De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 en ce qui concerne la France et 13h30, 15h30 en ce qui concerne nos amis québécois, hein, de là-bas, du Canada, bien sûr, mon cher Tom. Ouais, bah, y en a en France aussi, des Québécois. Ah oui, c'est vrai, ils sont en vacances. Ils viennent prendre le soleil parce que là-bas il fait froid, c'est pour ça. J'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils vont réagir sur Facebook et puis peut-être m'envoyer des SMS. On sait pas. Salue les Français qui sont au Québec aussi, qui sont en vacances là-bas. Aussi, qui se pèlent. Et puis qui vivent là-bas aussi. Bon courage, hein. Nous on a du soleil. Ouais, trop chaud même, à la limite. Bon, nos invités sont arrivés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, on va quand même débriefer ce qu'on a entendu. On a écouté Jack Starr's Burning Star. Ensuite, Comeback Kid. Et on a fini avec Nocturnal Rites. Yes. Voilà, petit exclu. Et ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom, qui seront au Fertois Rock In Fest le 16 septembre 2017. Attraction Theory. Voilà, donc là vous aurez pas que ce morceau-là, parce que pour l'instant vous ne pouvez entendre que la reprise de Michael Field Two Friends, mais ils seront avec leur tout nouveau... Alors c'est un EP, ils m'ont assuré qu'ils auront un EP, et l'album lui sortira qu'en 2018. Donc on vous rappelle le groupe formé par Didier Chéneau, enfin sur les cendres un petit peu Deadline, on va dire, Didier Chéneau et Constance Amélan, que l'on salue, qui nous ont fait la surprise au PMFF de venir alors que, je sais pas, elle est venue avec un ballon de rugby, un ballon de foot, je crois que c'était ça au départ, et en fait non, il paraît qu'elle était enceinte, et donc depuis elle a accouché, un charmant bambin du nom de Tristan, et voilà, on est très très heureux de les retrouver sur scène, parce que la prestation avait été quand même fortement appréciée au PMFF, et donc on les retrouve au Fertois Rock In Fest le 16 septembre. Eh bien, puisque nous parlons du Rock In Fest, du Fertois Rock In Fest, c'est dur à dire, hein, c'est un peu comme le pfff, hein, ça vous avez fait exprès. Hein. Ouais, c'est Silver qui a trouvé ça pour mettre en difficulté. Bien sûr, faut bien que ça me tombe sur la tronche. Alors, bonsoir Johan et bonsoir Silver. Allez. Bonsoir. Salut Phil, salut Tom. Salut à tous. Bonsoir à tous. Salut à tous. Et donc, voilà, le Fertois. Alors, on va en rentrer dans le vif du sujet. Combien de groupes sur deux jours? Sur deux jours 42. 42 groupes 42. 43 départ, on a eu un. Ah, désistement. On a eu un forfait. Bon, bah voilà. C'est pas grave, moi je vais venir, j'ai un casou à la maison, je vais venir faire une. Avec quelques claquettes. Moi, j'ai le 40 qui est derrière, j'ai la guitare qui est là-bas. Et puis, on trouvera bien j'ai la flûte traversière aussi qui est pas loin. Oh, on trouvera bien des gens. Puis, c'est pareil, avec un casou ça va le faire. Ça ira sympa, hein. Bon, allez, on fera ça. Il a trouvé quelque chose. Comme ça, par contre, sur la grande scène à 21h30 le samedi soir. Ah, tu veux la grande scène? À 21h30 le samedi soir, bah oui. Ah, d'accord, ok. Allez, exigeant. Direct. Et on prend combien en cachet? Deux cachets d'aspirine. Deux cachets d'aspirine. De 2000 à chacun. Bon, allez, le Fertois. Comment est venue cette idée du Fertois Rockin' Fest? Parce que c'est sympa. En plus, c'est pas que du métal. Hein. Sur les deux jours, il y aura une soirée métal. Une journée métal, ouais. Métal, rock, hard rock, tout ça. Et une soirée plutôt... Enfin, une journée plutôt... Pop rock, dans le sens large du terme. Il y aura un peu de... Donc des groupes de rock, des groupes de reggae, il y aura du blues, il y aura vraiment de tout pour faire sortir un peu les gens de chez eux et toucher un maximum de personnes pour leur faire découvrir des grands groupes et des groupes locaux. Bon, très bien, on va faire des belles découvertes, je suis sûr. Et puis donc, vous avez repris pas mal de groupes qui étaient au PMEUF. Alors nous, c'est compliqué à dire, mais tu peux... Au PMFF. Tu peux te vanter de faire pareil. Mais complètement. Alors, il y a un raccourci pour aller plus vite, pour le faire toi, Rockin' Fest. Il y a le Free Fest. Le Free Fest, oui, voilà. Oui, tout à fait. J'ai vu que c'était marqué sur la page Facebook, d'ailleurs. Ouais. Hein, ouais. Pour y aller, c'est le Free Fest. Alors, c'est... Le Free Fest. C'est F-R-I-T... Fest. Hein, c'est ça, hein? Non, Free. Non, Free. FRI Fest. FRI Fest. Voilà, d'accord? Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook du Free Fest. Et puis, surtout, allez marquer comme quoi vous participez. Hein, ouais. et venez nombreux. Surtout, oui. Parce que c'est la première édition. C'est ça. Hein, donc, on a toujours besoin, quand c'est la première édition, de se rassurer un peu et de faire venir un maximum de monde. Avant d'aller plus loin dans le Free Fest... Eh bien, on va passer un premier groupe qui est la tête d'affiche du festival. Enfin, du samedi. Du samedi. Ouais, hein. Parce que ce soir, on va parler que du samedi, puisque c'est une soirée spéciale heavy metal. Et on va commencer avec Manigance. très très bon groupe, Maligance. Qui va sortir son nouvel album. Oui, et qui sera en exclusivité sur le, Festival. Sur le festival. Ouais. Voilà, donc on n'a pas choisi un titre récent, hein, on a choisi un titre de 2004, qui s'agit, je voulais revenir aussi là-dessus, c'est Mémoire. J'adore ce titre, c'est un de mes titres préférés de cet album d'Un Autre Sang, qui était sorti à l'époque chez NTS, hein, et qui était le deuxième album studio du groupe. Et ils avaient au préalable sorti un maxi, un EP comme on dit, quelques temps auparavant, Signe de vie, ouais, tout à fait. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de ce groupe? Le groupe s'est formé en 1995. Voilà, et ils nous viennent de Pau. Tu crois qu'ils en ont eu du... Ouais. Du Pau? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Et toi, t'en as? Ah, moi j'ai du Pau. T'as de la Pau? Moi j'ai du Pau, j'ai des amis, j'ai des potes, j'ai de la musique. T'as un peu de Pau. On a Tom qui est là. Enfin, ça, j'ai pas de Pau avec lui. Ah, si, les pots de Tom. Les pots de Tom, ouais. Ah, si, les Tom ont des pots. C'est pratique en batterie. C'est mieux, ça peut servir. C'est toujours mieux. Les pots de Tom, lui, c'est une peau de vache. Donc, on va commencer avec Manigance et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler du Fertoire Rockin' Fest. C'est parti, Manigance. We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show ce soir, une émission spéciale Fair to a Rockin' Fest. Et nous avons nos deux organisateurs, co-organisateurs qui sont là ce soir, Johan et Silver, et qui vont tout vous dire, j'espère tout, hein, les dessous du festival, c'est ce soir hein, dans le Rock for Show. Alors on vient d'écouter Manigance qui sortira donc son nouvel album, il sera là pour le Fair to a Rockin' Fest. Hein. Il sera là en exclu, ah. Ouais. Et il s'appelle Machine Nation, ou Machination, hein, si vous le dites très vite. Et ça sortira aussi chez Vericord, comme le dernier, l'avant-dernier, non, comme le dernier. Nous allons parler maintenant un petit peu de ce qu'on va trouver dans le Fair to a Rockin' Fest. On va parler de... Qu'est-ce qu'on va y trouver autour, à part les groupes? Est-ce qu'il y aura un camping, puisque ça dure deux jours? Est-ce qu'il y aura une buvette avec des sandwichs, avec un coin restauration? Et puis, surtout, ce qui est intéressant, le prix du festival. Alors, pour ce qui concerne le camping, oui, effectivement, il y aura un endroit camping avec une cinquantaine de places réservées aux campeurs. Ensuite, nous aurons tout ce qui est restauration avec des food trucks. Nous aurons le propriétaire de la plage, le site où aura lieu le Fair to a Rockin' Fest, qui organisera des repas pour les festivaliers. Et nous avons le comité des fêtes de la Ferté-sous-Jouarre qui va s'occuper de tout ce qui va être boisson, donc la bière, de la bière. Et de la bière. Il y a un peu d'eau quand même, parce qu'il faut s'hydrater, parce que la bière, mais c'est de la bière. Ouais. Mais buvez avec modération, mais avec des amis. Là, on sera qu'avec des amis, donc c'est bon. Donc du coup, vous parlez c'est la mairie qui vous aide pour ce projet? Alors en fait, tout à l'heure, on nous a demandé comment c'était un petit peu... Comment était née l'idée l'idée du... En fait, c'était pas une plaisanterie, mais avec Silver, lors du 14 juillet de l'année dernière, on a parlé, on disait, tiens, on a un beau festival de jazz à la Ferté-sous-Jouarre, et ben, ça serait super sympa qu'on ait un festival metal pop-rock à la Ferté. Donc, monsieur le maire, qui est un ami d'enfance, était avec nous, et ouais, c'est une bonne idée. Il nous a dit, ce serait une très bonne idée de faire ce festival, et on en a resté là. Sauf que le conseil municipal suivant, parce que je fais partie aussi du conseil municipal de la Ferté, m'a dit, bon alors, votre festival, vous en êtes où? Donc, on est resté un petit peu comme deux ronds de flanc, et c'est parti comme ça, voilà. Mais eux, ils avaient dit ça, donc sérieusement? Nous, on était très sérieux sur le principe. Par contre, si vite, c'était, ouais. C'était un petit peu la surprise. Ouais, on va dire qu'ils nous ont mis une petite claque derrière la tête, ouais. Histoire de se dire maintenant, bah, les ouais, gars, faut y aller, quoi. C'est bien de lancer le truc, mais maintenant, bah, faut mettre les gaz, quoi. Parce que mine de rien, voilà, on va essayer de le prévoir à une date quand même assez intéressante au niveau, vu que ça sera extérieur, donc où on a encore de la chance d'avoir du beau temps. On espère. Donc on l'espère, hein, ça là-dessus, on croise les doigts. Alors, est-ce que c'est en plein air totalement? Parce qu'il y a deux scènes, hein, on l'a pas encore dit, mais il y a deux scènes. Ouais. Est-ce que ça va être en plein air totalement, ou est-ce qu'il y a une des deux scènes qui sera couverte? Alors les deux scènes sont couvertes. Ah, ça automatiquement, ah voilà. C'est bien, vous avez prévu les intempéries. Si jamais ils pouvaient, comme ça, les deux groupes, tous les groupes pourront jouer couverts. Il y aura aucun problème. Voilà. Bon, les festivaliers, c'est notre paire de manches malheureusement, mais bon. Ouais, il y a des parapluies, il y a des kawaii et tout. Et puis il y aura des barnums un petit peu partout normalement. Donc je pense qu'après, les gens pourront s'abriter au cas où. Mais bon, on croise les doigts qu'il y ait du beau temps et voilà. On est encore dans une période estivale. Même si, voilà, mois de septembre, on a quand même eu de la chance ces dernières années. Le mois de septembre était quand même pas mal. Donc, bon, on croise les doigts. On espère. Allez, tous, allez, je veux vous voir derrière votre place, croisez vos doigts, comme nous. Hein. Non, Tom, non, les pouces des pieds, c'est pas la peine. Hein, non, mais toi, t'as pas croisé les doigts déjà, alors. Bah, si, tiens, allez, regarde. Non, mais. Là, je veux bien. Sinon, je fais ça aussi. Et puis, j'y arrive pas. alors, on a parlé. De la bière. La boisson, la bouffe, tout ça, on a parlé. On a parlé du camping. Le tarif. Alors. De cette magnifique fiesta pour le sur samedi, deux jours. Sylvain, je vais compter sur toi. Je suis un peu. Ça y est, c'est plus des tarifs. Je suis mauvais. Non, alors le samedi, en fait, on est à 15 euros là, en pré-vente, donc pour la journée. Mm-hmm. Donc 18 euros sur place, donc pour ceux qui ne prennent pas leur pré-vente. Donc pré-vente sur Wiz Event exclusivement. Voilà, pour éviter beaucoup de choses, se retrouver avec de partir dans tous les sens. Et donc le dimanche, place à 12 euros et 15 euros sur place. Et on fait des passes 2 jours, donc à 20 euros pour les 2 jours. Donc au lieu de payer 27 euros... Je précise pour Tom, une passe, c'est pas... non, c'est un pass, c'est un pass, c'est pas une, hein, c'est un pass. C'est pas le même endroit. D'accord, c'est mieux, d'accord. Hein, ouais, d'accord, ok. Parce que je le connais, lui, il se dit la Ferté, c'est mais, loin. Mais en même, ça, temps, mais en même temps, j'avais du mal parce que je savais pas comment y aller déjà. D'accord, donc, ah oui, bah, j'ai c'est vrai. Tarif, je disais, bah, c'est pas intéressant une passe à ce prix-là, mais après, j'ai pas le... Une passe à 18 euros, ouais. Mais comment y aller? Alors, très simple pour venir. Soit tu viens par la 4 de Paris ou de Reims... Il y a l'autoroute A4 qui sort à 10 km de la Ferté-sous-Jouarre. Mmh. Ou alors tu as directement le train qui t'amène de Gare de l'Est jusqu'à la Ferté. Et de la gare au festival, tu as à peu près, en marchant très doucement, tu dois être à 7 minutes de la gare. Oh, mais vraiment, oh, vraiment prends ton doucement. Temps. Bon, on fera du stop. Hein. Ouais, on... de la gare. Il doit y avoir un blablacar qui traîne quelque part. Ça de la gare, on fera du stop pour 7 minutes. Et puis l'avantage, c'est que ouais, pour accéder au site, il y aura un accès direct de la gare jusqu'à pouvoir accéder sans éviter. Est-ce qu'il y aura un tapis rouge? Ils vont aller plus vite. Ça sera bien signalisé. Ils vont aller plus vite que le PMFF. De la gare au site, ça va. Non, ils ont copié. Ouais, mais en train, on a combien de temps pour y aller? De Paris, il faut compter à peu près 40-45 minutes. Ouais, sachant que c'est quand même une ligne qui est quand même... C'est presque pas... Ouais, c'est réseau Est, donc bon, il n'y a pas non plus des trains, je vais pas dire tout le temps, il y a des trains quand même assez régulièrement, mais bon, voilà, il y aura ce qu'il faut de toute façon pour venir. Enfin, et puis on est dans les horaires. Pour les Parisiens. Et en tout cas, le covoiturage, ça existe, surtout entre métalleux. Donc n'hésitez pas à commencer déjà à vous renseigner qui y va, qui peut vous covoiturer. Vous pouvez lancer les discussions sur la page. Hein. Mmh. Ouais, il y a déjà des gens qui ont commencé à questionner pour savoir si le moyen de faire du covoiturage. Donc ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc renseignez-vous, hein, en tout cas. Blindez donc la Ferté-sous-Jouarre, c'est dans le 77, la Seine-et-Marne. Hein, on est d'accord. Donc pas très très loin de Paris. Au niveau... Qu'est-ce que je cherchais? Bah non, c'est tout. Feu d'artifice, samedi soir. Oui, est-ce qu'il y a un feu d'artifice le samedi et le dimanche? On a essayé de le faire, on a essayé de soudoyer le... La mairie, le comité des fêtes. Pas la mairie, en fait, on a un prestataire qui nous fait le 14 juillet. On a essayé de le soudoyer un petit peu. Bon, cette année, c'est pas jouable, malheureusement. On a vraiment aimé, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu pour les prochaines éditions, c'est pas exclu du tout. Bon, eh bien, très bien. Moi, ce que je vous propose, avant de continuer dans le Fertoire Rockin' Fest, le 16 et 17 septembre 2017, on vous le rappelle. Eh bien, on va continuer en musique, mes chers amis. Mais t'as pas parlé du fond sonore qui est... On n'a pas parlé du fond sonore, c'est vrai. Très important, le fond sonore. Et comme il sonne, il va falloir ouvrir. Ouais. Car Evil sonne. En plus, c'est des copains. Alors, parlons un petit peu d'Evil Sonne. Ah bah Evilson, c'est une grande histoire en fait. On va faire court quand même parce qu'on va raccourcir. On va raccourcir. En fait, le bassiste qui joue dans le groupe Evilson, donc qui s'appelle Gilles, j'ai partagé quelques années avec lui dans un groupe justement avec Sharky également. Donc on a Sharky, joué, qui est batteur de Factor 8, ouais. Et donc du coup, on a partagé un peu quelques années justement d'un groupe commun. On a joué ensemble pendant quasiment 3 ans. Et on s'est perdu un petit peu de vue à une période. Bon, ce qui est un peu normal, hein, chacun préfère sa vie une fois qu'on a envie de passer à autre chose. Et puis on s'est retrouvé. Et puis j'avais suivi un petit peu moi son actu quand même de loin. Et puis bon, il a joué dans pas mal de groupes, dans pas mal de projets. Et puis étant dans AMC, donc biker, donc du coup, il y a eu un moment où j'ai repris contact avec lui, parce que je m'occupe aussi donc de la programmation donc d'un festival et d'un autre festival. Et en fait, donc du coup, j'ai fait appel à lui en lui disant voilà, bon, faudrait qu'on se revoie, ça serait vraiment sympa. Et puis j'ai vu que tu avais quelques groupes avec lesquels tu jouais. Donc du coup, est-ce que tu voudrais venir jouer avec un de tes groupes? Donc voilà, il m'a présenté Evilson. Et puis moi j'ai tout de suite accroché parce que j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc dans le groupe. Bon, déjà un chant féminin qui est pas non plus très lyrique, loin de là. Mais il y a un petit truc quand même, moi je trouve. Et puis bon, les musiciens ont quand même un très bon niveau. Donc du coup voilà. Donc il m'a envoyé donc le projet, quelques morceaux. J'ai écouté tout ça. J'ai dit moi je joue sur ce festival là. Et puis on a repris donc le contact. Vraiment, on essaye de se voir assez régulièrement ou on se téléphone. Et puis quand il y a eu le projet donc avec Johan donc du Fertoire Rockin' Fest, j'ai dit tiens, on fait un petit truc encore pas très loin de chez moi. Est-ce que ça te dit de venir te recoller sur le festival. Il m'a dit, bah écoute, on y va à 1000%, on sera là, il n'y a pas de problème. Bon, super. Donc Evilson, ils joueront à quelle heure, où, quand, comment? Alors, ils joueront en fin de matinée, donc sur la main stage. Ils ont la joie d'ouvrir la main stage, sachant que la première scène qui est la burning stage, donc ça sera Heroines qui jouera. Voilà, donc ça sera Heroines qui ouvrira le festival, et par contre, donc sur la scène principale, ça sera Evilson. Très bien, on reparlera d'Heroines tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer. Non, on va pas passer, c'est ce que vous entendez. Et c'est tiré de leur premier EP 4 titres qui est sorti en 2015 en autoproduction. Ça s'appelait Evilson d'ailleurs. Ouais. Et le titre que vous entendez, mets-nous-le un petit peu là, mon cher Tom. Escape 8. Escape from 8. Tu pouvais pas chanter sur le refrain non. Comme la chanteuse. Bah non. Elle le dit, toi tu chantes à côté. Bah ouais. C'est comme ça. Ah, mais t'as vu, c'était pile poil quand même. Hein. Sorti en 2015 et donc à découvrir au Fair to a Rockin' Fest quintet metal mélodique qui s'est formé en 2013. Il y a un album en préparation. Ah, mais il y a que des groupes que vous faites jouer qui sont en préparation d'album. Ça c'est top quoi. Il y a plein de surprises. Ah oui, en plus. Hein. Nous allons continuer avec ils étaient vers Melun à une époque. Maintenant ils sont plus vers Angers. Enfin, ils sont un peu éparpillés partout. Hein. Le groupe s'appelle... C'était pas Melun. Mo, c'est marqué Mo. Philippe, il est de la Ferté-sous-Jouarre. Oui. D'origine. Mais c'est Mo, oui. Mais voilà. C'est Mo. Pour donner la naissance du groupe Misanthrope, puisque c'est de deux qu'il s'agit, c'était Mo. Donc, un régional de l'étape quand même, hein, avec le chanteur de Misanthrope. On a choisi un titre de leur dernier album qui s'appelle Elma Mystica. Un nouvel album est en préparation aussi. On a demandé si on pouvait avoir un titre en exclusivité. Ils ont dit non, il faudra venir au Fair to a Rockin' Fest. Bon, bah très bien. Donc si vous voulez découvrir le nouvel album de Misanthrope, eh ben, vous savez où il faut être le 16 septembre 2017. Le titre, mon cher Tom, le titre que l'on va diffuser. Force conspiratrice. Merci bien, c'est chanté en français bien évidemment. C'est le 10e album du groupe, il contient 12 titres, il y a même un magnifique digipack, mais peut-être qu'il est épuisé, qui contenait un autre album à l'intérieur. On va dire que c'est du death progressif. Le groupe s'est formé en 1989 et le nouvel album arrive bientôt, très bientôt. Donc surveillez les bacs, mais surveillez surtout les plateformes d'achat de votre billet pour le Fair to a Rockin' Fest. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe que je ne présente non, quasiment t'as pas plus. Non, nommé, hein. Ça s'appelle ADX. Voilà, ils ont sorti le dernier album. On a choisi le titre éponyme. Bon, je pense qu'on a passé quasiment tous les titres de cet album, donc on va pas vous baratiner trop là-dessus. Non, c'est des pitiards formés en 82. Voilà, c'est bon, ça suffit. Est-ce qu'ils joueront des nouveaux titres ? Est-ce qu'il y aura une exclusivité au niveau d'ADX ? On verra. En tout cas, je pense qu'ils auront à cœur de jouer quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on verra. Nous enchaînerons ensuite avec Digital. Et là, Digital, il y a aussi une surprise. Un nouvel album qui se prépare. Tu peux nous en dire plus ou pas ? Pour 2018, ouais. Mais il y aura... Il y aura un nouvel album, c'est sûr. Et on aura... Peut-être. Un, deux, peut-être trois exclus. On dit trop. J'ai rien dit. Non, il n'a pas dit trop, il a dit seulement trois. Dis-le alors. Il faut les faire venir quand même. Voilà, donc vous pourrez découvrir quelques surprises de la part de Digital. Nous, on a choisi un titre extrait de leur dernier album qui s'appelle Dynamite. Et le titre s'appelle, mon cher Tom... Tu veux que je t'aide peut-être ? Oui, Will You Help Me. Voilà. Will You Help Me. Complètement. Et c'est sorti chez Mausoleum Records en 2015. C'était le 5e album du groupe. Il contient 10 titres. C'est un groupe parisien qui avait joué au France Festival dans les années en 85. Ils avaient ouvert le France Festival. Ils sont là aujourd'hui. Ils se sont reformés et on est vraiment très contents. Et le groupe s'est formé en 1994. Ils font du heavy metal, du heavy rock metal, enfin bref, c'est vraiment très très bien, très puissant. Nous on adore. Et puis il y a plein de des gens adorables qui jouent dans le groupe, des gens de connaissance. C'est un petit peu la famille en fait. C'est la famille, ouais. Hein, c'est un petit peu cette grande famille. Ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Tout ce festival et en fait c'est un festival familial. C'est un rassemblement de copains en fait. Ça va être ça. On va tous se retrouver en famille, ça va vraiment être sympa. Je pense que ça ne peut être que bien hein, quand la famille est là. Et cette famille-là en particulier, je pense que ça pourra ne donner que du bon. Donc on est parti en musique Misanthrope, ensuite ALX et on finit avec Digital. C'est parti. Question du grand esprit ou faible lassitude. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show jusqu'à 21h30. Ça va être bien ça, mon cher Tom. Ouais, d'accord. T'étais loin, oui, t'es parti loin. Oui, ça va être très bien. Et ce que vous entendez en fond sonore, un groupe qui sera au Fertois Rockin' Fest le 16 septembre 2017 à la rentrée. Donc vous aurez fait rentrer les gosses, tout ça, vous aurez repris le chemin du boulot et vous aurez envie de vous éclater. Donc ce sera le 16 et le 17 à la Ferté-sous-Jouarre et donc vous pourrez y retrouver Asylum Pyre. Alors ce ne sera pas avec cette chanteuse que l'on entend, hein, qui ne fait plus partie du groupe, mais ce sera avec la charmante Oxy. Qui viendra vous présenter des nouveaux extraits de l'album. Je suis sûr qu'il y a encore une exclue. Attends, on leur demande. Ouais, il y a une exclue pour Vampire au Fertois Rockin' Fest. Possible. Bah tiens, puisqu'on en est à l'exclu, ils passent à quelle heure les Asylum Pyre et sur quelle scène? Sur la main stage. On va pas dire que c'est l'heure du goûter, mais pas loin. Bien. Voilà. Donc, ça va être pour eux. Je m'entends plus, mon cher Tom, est-ce que c'est normal que je m'entende plus dans mon casque? Voilà, merci bien. Non, je m'entends. Si, ça, c'est pas grave. C'est limite, quoi, c'est ça? Ouais, c'est limite. Mais bon, non, c'est bon. Donc, ça le nouvel album sortira en 2017, voire début 2018, hein, pour Asylum Pyre, parce que y a beaucoup de travail. Et puis surtout, vous allez découvrir quelques petites nouveauté à mon avis sur scène, parce qu'ils ne sont pas avares à nous donner du plaisir, du bonheur, ce groupe là et si vous avez envie de headbanger et de danser devant la scène, allez voir Asylum Pyre. On va revenir un petit peu sur les horaires un petit peu des groupes que l'on a entendu jusqu'à présent. Donc on a commencé avec Attraction Theory. Début d'après-midi, on va dire sur les coups de 14h. Bon, là, puisqu'on est en train vraiment de définir les horaires, ils seront annoncés vraiment bientôt, mais voilà, ça va être proche de 14h. Voilà, donc pour attaquer après le repas, un bon petit Attraction Theory, ça va le faire. Et ils seront sur quelle scène? Sur la main stage. Sur la main stage, très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après, mon cher Tom? Manigance. Manigance, main stage. Main stage, on peut pas faire autrement. On l'a dit tout à l'heure. Et donc, eux joueront sur les coups de 23h. 23h ouais. Le festival commence à quelle heure et finit à quelle heure? Alors, le premier groupe commence à 11h du matin et termine le dernier à 1h du matin. Ah, bien. Alors, on termine en plus fort avec un tribute Motorhead. Ouais. Pour rendre hommage à Lemmy. Ouais. Ça, c'est bien. Voilà, avec un ami que tout le monde connaît, qui est qu'on a l'habitude de connaître aussi, qui a tourné avec ADX et ainsi de suite. N'en dis pas plus, ça sera une petite surprise. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe-là, je pense qu'on va avoir 45 minutes de bonheur de Motorhead à fond. Bah, ça vaut le détour. Ouais. Et du coup, le concert finit à minuit, c'est ça? 1h du matin. 1h du matin. 1h du matin, on peut rentrer sur Paris? Il n'y a pas de problème, normalement. Oui, on mettra les horaires de train. Hormis avec les sirènes qu'on entend dehors. Oui, tu rentreras par là, toi. on mettra les horaires de train sur la page. Comme ça, ça permettra à tout le monde. Sachant qu'en plus, quoi, on est à peu près à 5 minutes de la gare. Voilà. Tout à l'heure, t'as dit 7 minutes. 7 minutes. On vient de gagner en marchant très lentement. En marchant à l'escargot. Mais là, si on active un peu le pas, 5 minutes, on est à la gare, il n'y a pas de problème. Alors, mais tu sais, ils vont être crevés. Ils vont avoir quelques. Ah, remarque, et s'ils y vont comme ça, c'est plus long. S'ils y vont en zigzag. Ouais, en zigzag, ouais. Hein, ça risque d'aller plus long. Ouais. Pour ceux qui sont gentils, on aura quelques combines pour gagner 2 minutes. Ah, voilà. C'est pas partir avant le dernier morceau. Non. Ça serait dommage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce serait dommage de rater les prestations et de ne pas les voir en entier. Ouais, mais ça, c'est le problème de certains festivals, c'est que les festivaliers s'en vont généralement avant la fin. Hélas. Evilson, on en a parlé tout à l'heure, mais on va le répéter. Ouais, donc pareil, joue sur les coups d'11h30 le matin, donc ils ouvrent la main stage. Misanthrope, avant l'apéro. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Hein, voilà. ADX, on en a parlé, mais on va y. Oh, après la fin de repas, ouais. Ouais. Pour digérer. Un bon 21h, ouais, ouais. Pour ouais. Digérer. Un petit 21h pour attaquer. Et enfin, Digitals. En plein repas. En pleine bouffe. Le meilleur repas. Ça lui va bien, le meilleur repas sera sur scène. Un des meilleurs repas sera sur scène, justement, sur la main stage. On va avoir un plat de résistance sympa. Il sera un peu dynamite ce repas. Quoi. Ouais, ouais. Ah bah ça, ça risque d'être dynamique. Bon. Je peux vous le dire que Dynamite aussi, oui. Non, comme le nom de l'album. Comme le nom de l'album, ouais, mais non, Hervé sur scène, c'est une dynamite, c'est une pile électrique. C'est une pile électrique, il a une prestance, voilà quoi, c'est... Et puis je vous préviens, hein, si vous bougez pas, il va venir, il va descendre, il va vous bouffer les mollets, hein. Vous allez pouvoir boucher. Et vous aurez l'exclu des deux petits nouveaux qui sont rentrés en groupe. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu des changements aussi de line-up. Petit changement de line-up, ouais. Bon, bah ça c'est bien. Allez, on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler On va revenir un peu sur le village. Allez. Donc, il sera en accessibilité gratuite. Mm-hmm. Donc, on aura des tatoueurs, on aura un barbier, on a Matt Déco, qui est un de nos partenaires qui vient nous habiller les entrées des sites, qui fera de la sculpture sur bois, sur plomb, sur résine. Pinstripping, j'en passe, parce qu'il y a plein d'activités. Ah, t'as entendu ? Pinstripping, ce n'est pas du tout... non, ils ne te font... Non. Il n'y a rien de sexuel. Il n'y a rien de sexuel, Tom. Alors arrête, hein. Ça suffit maintenant. Voilà. Regard donc... lubrique. Il n'y a pas que le regard, à mon avis. Ah, non. Pas que le regard, comme tu dis. Je connais pas assez. À force de toucher les manettes et les petits boutons, hein, voilà. Au bout d'un moment, hein, ça agit sur le cerveau, mon cher Tom. Bon. Maintenant, tu te calmes. Donc, on disait. Ouais, donc aussi, il a une grosse parenthèse. Ah, ça, c'est Tom aussi. Grosse parenthèse. Voilà, bon, il fallait pas le dire. Un de nos partenaires également, donc sur les deux jours du festival, on aura deux guitares à gagner, donc fabriquées par un luthier qui est Alex Darius Guitars. On a vu d'ailleurs des photos sur le sur la première, la chargeur est bien avancée, ouais. Voire même quasiment terminée. Oui, un petit coup de polish, c'est bon. Ouais, il devait me l'emmener, mais je pense qu'il a fait son radin, il a pas voulu dépenser un peu de gasoil, donc je pense qu'il va falloir que j'aille la voir. Et puis la deuxième qui va être un petit peu plus rock'n'roll, ça va être très sympa. Et c'est une par jour, hein. Une par jour. Et les billets de tombola seront valables sur les deux jours. C'est-à-dire qu'un billet de tombola acheté, si vous gagnez pas la chargeur, il y aura sa petite sœur qui sera sûrement gagnée le lendemain. Vous avez une chance. Le premier jour, une chance, le deuxième jour. C'est dingue. Le double effet qui se coule. Il y aura quelques lots supplémentaires. Juste une question. Celui qui a gagné le premier jour, est-ce qu'il peut gagner le deuxième jour ? Bah non, parce que son ticket sera parti de la boîte. Ah ouais, mais s'il a pris deux tickets. S'il a pris deux tickets, s'il a pris plusieurs tickets, il peut gagner deux guitares. Et on va acheter plein de tickets. On va acheter tous les tickets. On achète les carnets complets. On aura deux guitares. Surtout qu'à 5 euros le billet pour une guitare, à peu près, qui coûte normalement entre 3000 et 3500 euros le morceau. Bon, c'est vraiment des belles pièces. Il y a combien de billets en tout ? Je crois qu'on est à 1500 billets, je crois, c'est ça ? Ouais, à peu près. Ouais. Tom, t'es riche ? 1500 euros de guitare, c'est bon. On prend tous les carnets. Ouais. D'accord. Bon, on va augmenter le nombre de billets. Ouais, hein. Ouais. Je sens que Tom est généreux. Bon, en tout cas, ça c'est une très très bonne idée. Et puis surtout, ça permet aussi de faire participer des gens extérieurs et qui nous montrent leur étendue de leur art et de leur travail. Et ça, c'est très sympa. Quand. Donc bravo. Autre chose ? Il y aura du Metal Market sur place. Ouais. Donc là, tout est en train de se peaufiner. Ça va être sympa. On va Est-ce qu'il y aura des t-shirts du groupe ? Du festival ? Du festival, mais évidemment. Évidemment. On a fait beaucoup, j'espère. Est-ce qu'il y aura des casquettes ? Est-ce qu'il y aura des Tom, il aime bien les pins, ça lui rappelle sa jeunesse. Ouais, les pins. Est-ce qu'il y aura des autocollants ? Parce que Tom se les colle souvent sur le front aussi. Hein ? Non, chez les albums Panini, moi, mec. Ah, c'est ça. On veut pas malgré. Il n'y a pas l'album Panini du Fator Rockin' Fest. Ça sera pour 2018. Ah, très bien. Ça, c'est des idées aussi. Hein. Sans vouloir amalgamer avec un des groupes qui joue sur le festival, enfin qui joue sur samedi, on aura la présence de MP qui sera également sur le festival. Donc, on a quelques petits objets sympas qui seront à distribuer, à gagner. Très bien. Voilà. Allez, on va continuer en musique avant de se retrouver pour la suite du partage avec le Fair to Rockin' Fest. On va continuer avec Tank. Mais c'est pas le Tank anglais, hein, on est bien d'accord, non, c'est le Tank français. C'est français peut-être bien de chez nous aussi, non ? Non, du tout. C'est Think of a New Kind. Hein, c'est un groupe plutôt brutal, hein, mais qui est très bien joué. Comme je rappelle à chaque fois, j'ai découvert ce groupe sous un escalier à Dourdan. Il jouait avec ça y est, en plus j'ai oublié les groupes. Lost Horizon, je crois, ou Black Horizon. Et l'autre groupe, c'était nos amis, j'envoie les pochettes, et ça y est, j'ai oublié, puisque le groupe vient de se reformer en plus, qui nous vient du 91, ça ne dit rien. Demon Tool, voilà. Ouais, ouf, ça y est, j'ai été le chercher loin. Hein. Salut Nico, je ne t'ai pas oublié. Donc Demon Tool qui vient de se reformer. Voilà, donc c'était Tank qui faisait la première partie. Et on est resté mais sur le cul, quoi. Tellement c'était déjà dès le départ, dès leur premier EP. C'était parti. Ouais. Donc là, on vous propose un titre de leur tout dernier album qui s'appelle Symbiosis avant la sortie du prochain, puisqu'ils sont en studio en ce moment et qu'ils sont en train d'enregistrer. Donc je pense qu'eux aussi feront quelques surprises au Fertoire Rockin' Fest. Donc vous voyez que, en fait, ce Fertoire Rockin' Fest, c'est un monument de surprises. Donc vous ne pouvez pas rater ce festival. Il va falloir y aller. Il va falloir vous bouger. Il va falloir aller sur le site pour acheter vos préventes. Parce qu'en plus, ce sera un petit peu moins cher et vous aurez de l'argent pour acheter des billets de tombola. Eh, c'est pas cool ça, hein? Si. Prévente plus billets de tombola. Sous peu que vous gagnez la guitare, hein, vous montez un groupe et vous jouez l'année prochaine. Pour faire toi Rockin' Fest. Chiche. Ouais. Oh. T'as vu ça un peu? J'ai déjà ton premier groupe. Allez, on va enchaîner donc avec Tank. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur Tank? L'album fait 12 titres. C'était leur troisième album déjà. Il est sorti chez Sumble Music en 2015. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est tout. Hein. T'as autre chose à dire toi Tom ou pas? Non, je te laisse parler. D'accord, Death Thrash Metal. Et le groupe s'est formé en 2006. Nous enchaînerons ensuite avec Mankind. C'est Witches. Oui, voilà. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. J'ai dit quoi. Voilà. Donc j'aimerais bien que tu m'aides aussi de temps en temps. Prends la porte. Voilà. Donc Witches avec leur dernier album qui s'appelle The Hunt. Effectivement. Et c'est même pas un album. Je crois que c'est un 5 oui, ou 6 titres. Oui, c'est un 6 titres. C'est un 6 titres. Par contre, il est magnifique. Et eux, ils joueront à quelle heure? Enfin, sur quelle scène Witches, alors, joueront sur la Burning Stage. Ça leur va bien. Et en fait, ils joueront juste avant Bumblehead. Ah. Avant Manigance. Et avant Motorhead. Enfin, donc, en gros, on va dire entre ADX et Manigance, en fait. Voilà. Bonne place, place ouais, de choix. Bonne petite place, hein, ouais. Place de choix. Faire une heure de bonheur bien trash. Plus, ils le méritent. Des petites choses à nous dire sur Witches, puisque je ne suis pas sur la bonne ligne, mon cher Tom. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur Witches? Le titre qu'on va entendre, c'est Serial, et c'est sorti en 2015. Voilà. Et ils sont formés en 1986. Et ouais, c'est un quartet de thrash metal. C'est des Parisiens et c'est une chanteuse. Enfin, maintenant, ils sont Parisiens, parce que avant ils étaient à Antibes. C'est une époque. Voilà. Oui, avec Witches au chant. Avec Sibyl au chant, excusez-moi. Et voilà. La très belle Sibyl. Et donc, nous enchaînerons ensuite avec. Puisque après on continue, on revient. On continue avec Drakkar. On revient avec Drakkar. Groupe belge. Nos cousins de Mons. Ouais, ils sont adorables. Et ils nous ont réservé une première surprise ici, là, ce soir, sans plus attendre. Mais même eux, ils n'ont pas entendu. Si. Mais aussi, non, même les organisateurs non, n'ont nous, pas entendu pas, ce titre. On n'est pas au courant. On n'a pas eu cette chance. Hein, comme quoi. Donc on n'est que deux, ouais, presque. On n'est pas dans les petits papiers. Tu vois, ça sert de payer les groupes. Hein. Il y a combien de guitares? Il n'y en a pas une troisième qui peut arriver directement sur la table ici? Alors, le groupe s'est formé il y a très longtemps. C'était dans les années 80, en 83 exactement. Ils en sont seulement à leur quatrième album, parce qu'il y a eu une longue période de... Bah, ils ont fait les frites à la plage, je pense. Hein, ils ont bu, ils ont pas mal forci, je dirais. Hein, monsieur Lenny? Un peu de bouteille. Hein, monsieur Lenny, que l'on adore. Ils font du heavy metal, voilà, tel qu'on aime à l'entendre. Et ce soir, ils nous font une surprise, puisqu'ils nous ont donné un titre de leur prochain album. Et l'album sera distribué par Season of Mist. La promo sera allouée à Do It. Donc tout ça, ça reste bien, bien francophone, hein, quand même. Et l'album s'appellera Diabolical Empathy. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est un titre qu'ils nous ont donné en exclusivité. Ils ont tenu à ce que ça passe pour la première fois dans le Rock for Show et on les en remercie. Ça s'appelle Hitchhiking of Pain et vous allez voir, ça démonte tout sur son passage. Donc on est parti en musique avec Tank, on continue avec Witches et on termine pour cette programmation musicale avec Drakkar. C'est parti. We'll be right back. Song. De retour dans les studios, au doux son de Barracuda. Barracuda qui, sur ce mini... c'est pas un mini, c'est un EP 4 titres qui est sorti en 2013. C'était leur premier. D'ailleurs, on attend un album, on attend quelque chose de nouveau de la part de Barracuda. Cela viendra-t-il offert, toi, Rockin' Fest, le 16 septembre 2017 Des infos ? Des nouveaux titres ? Des nouveaux titres, bah oui, des nouveaux titres, oui, ça ils en ça, ont. D'office. Hein, oui. D'office. Par contre, est-ce qu'ils auront un nouveau support qu'on pourra se mettre dans la voiture, un peu partout, sur les chaînes IFI, tout ça, non ? On sait pas trop, ils ont été un peu évasifs. Peut-être une petite surprise. Bon, on verra. Très bien. Groupe de hard rock, alors ce que vous entendez là, ce morceau ressemble un petit peu à. Un petit peu quand même. Mmh. Un petit peu. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'introduire le concours de ce soir au 06 81 01 28 c'est pour 34. Gagner une guitare. Ah ouais, pour gagner une guitare. C'est oui, une mais bonne en carton, blague. Tu t'es trompé. Mais celle-là en carton. Non, c'est pour gagner votre passe pour aller au Fair Toi Rockin' Fest. Bah, si oui, tu vas au Fair Toi Rockin' Fest, tu peux payer à ton moloyeur, tu peux gagner une guitare. C'est pas faux, c'est pas faux. La guitare, nous on vous donne la première marche pour gagner la guitare. Eh. C'est-à-dire qu'on vous offre le pass, vous avez de l'argent pour acheter après le billet de tombola, et ça va être canon. Alors la question, elle est simple. On a parlé d'un groupe tout à l'heure qui fermera le Fair Tour Rockin' Fest le 16. On parle bien du 16. La journée du 16, ouais, la journée rock metal. Et ce groupe est a une particularité, hein, puisque c'est pour rendre hommage à quelqu'un. Voilà. À qui ce groupe rendra hommage ? Si vous trouvez au 06 81 01 28 34, si vous avez la réponse, vous gagnez votre passe pour aller au Fair Toi Rockin' Fest. Non, ce n'est pas fini, Molle. Il sera juste parrain. Voilà, c'est tout. Oui, on reparlera. Donc, Barracuda, vers quelle heure et sur quelle scène ? Barracuda, sur la Burning Stage, ils vont jouer sur les coups de midi et demi, une heure à peu près. Voilà. Très bien. Ouais. Bon. Bah écoute, hein. On avait dit les horaires pour Drakkar, tout ça. Pour Drakkar, je me rappelle pas les avoir annoncés. Ils seront sur scène sur la Burning Stage à 19h. Bien aussi. Voilà. Ça. Ouais. Bon horaire. Ah ouais. Ok, très très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié ce nouveau titre exclusif Rock for Show, Hitchhiking of Pain, tiré du prochain album de Drakkar, Diabolical Empathy. Nous allons continuer sur la programmation, encore avec un groupe que l'on a reçu dans le Rock for Show cette année, hein, mon cher Tom, yes. Avec qui on a pris un pied d'enfer également, parce que pas mal, franchement ouais. L'album est vraiment... C'est Xavier qui était venu tout seul. Une petite perle, hein, cet album, Baltrap. Mm. Et le titre qu'on vous a choisi ce soir s'appelle Carnaval Cannibal. Et le groupe c'est Malmort. C'est Malmort, bien entendu. Une autoprod de 2016, l'album contient 11 titres, mais vous le repassez, comme ça, il en contient 22, puis après 44, enfin vous voyez, ça peut... Quand tu dis cette année, loin. C'était pas cette année, c'était la fin d'année dernière, c'était juste avant Noël. Ah oui, exact. Qu'on avait reçu, si je me trompe pas, parce qu'on avait parlé en février, mais vous sortez en décembre, on peut pas vous mettre dans les best. Enfin, on pourrait, mais ouais. C'est déjà vrai fait. Que c'était compliqué. C'était compliqué de les mettre dans la playlist, mais je crois qu'ils sont apparus quand même dans les albums de 2016. Il me semble, et je crois que c'était même un choix commun, bien entendu, mais c'était un des choix de Mademoiselle de Jane. Qui n'est... Bon, on la salue, tiens, on lui passe un petit bonjour. Puis si elle veut passer, hein, c'est quand elle veut. C'est le deuxième album de Malmort, Baltrap. Ils sont de Cergy. C'est un quintet de hard rock et ils se sont formés en 2010. Alors, eux, on les fait jouer où ? À quelle heure ? Alors donc Malmort, à part aux environs de 13h sur la Burning, sur la Main Stage, pardon. Main Stage. Aux alentours de 13h. Nous allons arriver à un groupe, je sais pas, non, on va passer. Non, on passe. Eux ils jouent pas, ils savent pas, on sait plus qui c'est. On sait pas qui c'est. Bon, des amis aussi, hein, des amis de longue date. Ils ont aucune existence pour nous. Comme on disait, c'est le clan. C'est le clan, c'est la mafia. Voilà, c'est des gens qui nous ont rendu en plus de nombreux services, aussi bien musicaux que extra-musicaux. Et ça, on n'oublie pas. Le groupe s'appelle Factor 8, l'album s'appelle Scary Tales. Le morceau, et bon, je vais laisser le guitariste annoncer le morceau. Raise Your Hand. Yes. Et ça, ce sera ce qu'il va falloir que vous fassiez au Fair to Our Rockin' Fest le 16 et le 17 septembre. vous tendrez bien votre bras en l'air comme ça et vous chanterez tous les refrains. Puisque à force de vous passer des titres de tous ces groupes, eh bien, je pense que vous connaîtrez les refrains par cœur. Studio Top Prod sorti en 2016, c'est le premier album du groupe. Juste avant était sorti un EP. L'album, lui, contient 16 titres. C'est un quintet et ils nous font du heavy mélodique à tendance théâtrale, on va dire. Beaucoup de surprises sur scène. Sur scène, c'est beau à voir. Ça, c'est sympa à voir. C'est sympa. Oh, après, c'est... On a l'impression de voir un film. Parce que je pense que le truc, c'est qu'on a vu au PMFF, on a vu un peu à Paris. Au Feel Good. Au Feel Good. Mmh. Donc deux choses différentes. Là, ce sera sur la grande scène ou sur la petite scène que vous jouez ? Une stage. Bah, vers quelle heure ? Avec toute la déco. Ah, en pleine nuit ? Non, aux environs de 15h, parce que bon, voilà quoi. D'accord. Après, il y a des groupes à s'occuper, donc oui, bien évidemment. Je peux pas me couper en deux, c'est pas possible. Bien évidemment, c'est ça quand on est organisateur et en même temps musicien. Le groupe s'est formé en 2011, et ils nous viennent d'Éragny-sur-Oise. C'est bien ça, tout hein, à fait. Je suis pas trompé. Voilà, donc on en a parlé. Et maintenant, un autre groupe francilien que l'on adore, qui nous ont sorti aussi un magnifique album qui s'appelle Breaking the Rock. Et le groupe s'appelle Existence. Et le titre que je vous ai choisi ce soir, mon cher Tom. But, In the Name of Revenge. Exactement, sorti chez Black Viper Records en 2016. Le groupe s'est formé en 2008. Ils nous font du heavy metal. C'est un quartet, puisqu'il y a le chanteur est aussi guitariste. Et ils nous viennent de Clermont dans l'Oise, donc un groupe picard. Oui, donc c'est pas parisien comme tu disais. Non, mais bon. C'est presque Paris. Presque. Ouais. Maintenant, tu sais, c'est le grand Paris. C'est l'énorme Paris. C'est même pas le grand, c'est l'énorme Paris. Et là, tu vas jusqu'à Chartres, quand même. Oui, exact. Oh, Orléans, même. Tu vois, on descend jusque. Donc voilà. Pareil, donc, Existence, qu'on est heureux de retrouver sur cette affiche du Fertoire Rockin' Fest. Alors, on vous demande pas s'il y aura des surprises parce que l'album vient de sortir. Ils sont en pleine promo. Ils sont en pleine. Je crois qu'ils étaient en Russie, je crois, il me semble. Ou en Bulgarie. Je sais plus, mais en tout cas, ils sont en tournée en. Ouais, c'était sur, Pologne, c'était Pologne. Sur Facebook. Ouais, ouais, ils étaient ouais. Sur une très belle scène et il paraît qu'ils ont cartonné. Voilà, ça m'étonne pas. Ouais, bah, d'après les photos, ouais, ça doit être un carton plein. Il y a des vidéos aussi qui commencent à circuler. Et... Voilà, ça m'étonne pas du tout. Ouais, ouais. Donc ne les ratez pas. On les retrouve sur quelle scène ? Burning Stage, 20h30. Bon, un très bon horaire aussi pour eux. Ouais. Donc vraiment, on n'a pas parlé au fait de la durée des prestations. Est-ce qu'on aura une durée variable selon que l'on monte dans l'affiche ou est-ce qu'on aura le même temps pour tous les groupes ? Alors, y a une... c'est en plusieurs parties en fait. On va dire que les groupes qui ouvrent vont tourner sur à peu près 25 minutes. Mmh. Après, on est assez longtemps sur des demi-heures. Et puis après, on commence à remonter progressivement, trois quarts d'heure et une heure maximum. D'accord. Une heure maxi par groupe, ouais. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose ? Le numéro de téléphone, 06 81 01 28 34, pour pouvoir rafler votre passe. Pour le faire tout à Rockin' Fest, on vous rappelle, le groupe qui va clôturer le samedi 16 a une particularité et rend hommage à quelqu'un. À qui rend-il hommage ? On envoie la musique, c'est parti. Je n'ai There is a silent pain Nous rentrons dans le bar pour finir cette émission avec Mankind. Mankind qui a sorti un premier album. Tiens, c'est l'heure sonnette. Il va falloir partir, je pense. Autoprod 2017. Donc l'album va sortir, hein, c'est ça pour tout Mankind. Et le titre que l'on vous passe ce soir s'appelle That's All I Want. Il joue quand? Oui. Bah le 16. Le 16 septembre, au Fertoire Rockin' Fest. Aux alentours de midi. Voilà, donc un groupe, un quintet de hard rock. Comment s'appelle l'album? Tu as le titre de l'album ou pas? Pas du tout. D'accord. Donc Mankind à découvrir au Fertoire Rockin' Fest. On va rappeler quelques petites choses qu'on ne vous a pas encore dit sur le Fertoire Rockin' Fest. Il y aura des espaces, donc merch pour les groupes, sans durée de temps. Hein, le groupe est là toute la journée et il vendra son merch jusqu'à ce que le festival se termine. Exactement. Il y aura des autographes, séances de dédicaces. Et il y aura également des interviews organisées par les magazines, des choses comme ça. Et vous pourrez même aller poser durant les séances de dédicaces avec vos groupes préférés, vos artistes préférés. Il y aura plein d'autres choses. Il y aura le Père Noël aussi alors. Comment? Si on peut poser avec nos groupes préférés, il y aura le Père Noël. Oh, nom de Dieu. Irrécupérable. Ah ouais, complètement. Comme je vous dis. Non, mais en général, ce qu'on fait, c'est que l'émission, dès qu'elle est finie, on le remet dans le placard. Et on le ressort que la semaine d'après. Alors, des fois, on a paumé la clé une fois, hein, et il est sorti un peu trop tard, et l'émission avait déjà commencé, et tant pis, c'est pas grave. Allez, on arrête de raconter des bêtises, parce qu'il y a encore pas mal de choses à passer et à dire sur le Fertoire Rockin' Fest. Notamment les groupes qu'on ne pourra pas vous passer ce soir. Vous pourrez les retrouver sur le Facebook, en vidéo, ou nous, on en repassera bien évidemment à la rentrée septembre. Parce qu'on va prendre des vacances quand même, un petit peu. Et on se reposer avant ce festival, qu'on soit en pleine forme. Exactement. Hein, on va aller surtout parfaire notre bronzage, parce que ça fait bien aussi hein, quand tu viens, t'as tous les festivaliers. Alors ceux qui sont pas partis, tu les vois tout de suite. Hein, ils sont blancs comme des linges. Puis nous, on viendra. Voilà. On va finir cette émission avec deux groupes, Overdust et Pleasure to Kill. Alors on va donner déjà leur ordre de passage et tout ça, et puis on vous parlera des groupes après. Donc Overdust sur les coups de 15h30, 15h45. Et puis pour PTK, donc Pleasure to Kill, juste avant l'apéro. Donc, ça leur va bien aussi. Ouais, ils sont bien, ils sont bien pour ça. Donc sur les coups de. Juste un peu avant midi. Alors Overdust, j'ai pas trouvé trop de renseignements les concernant. J'ai juste le titre du morceau qu'on va passer ce soir, qui s'appelle Back to the Walls. The Wall, il y en a pas plusieurs, il y en a qu'un. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe? Ils nous viennent d'où? Bah, ils sont de la région du Val d'Oise. C'est un binôme. Un binôme. Ouais, ils sont que deux. Ça envoie. Ça, c'est très rock, très un rock bien brutal comme il faut. Limite stoner, mais voilà, avec des. On sent qu'il y a des influences très diverses dans le groupe. Mais voilà, ils ont une pêche d'enfer. Et franchement, voilà quoi. À découvrir sur scène. C'est des vrais gentils en plus. Des vrais gentils. Ouais. Plaisir to Kill, eux, on a choisi le titre Le Coup Près. Et ça, c'est ce qui va nous arriver, hein, Le Coup Près, puisque l'émission va se terminer. L'album s'appelle Sédition. C'est une autoprod sortie en 2015. C'est le premier album du groupe. Il contient 9 titres. Ils ont sorti un EP auparavant. C'est un trio de thrash metal qui s'est formé en 2008 et ils nous viennent d'Orléans. Hein. Ouais. Écoutez, l'émission s'achève ainsi. Faut y aller. Overdust, hein. Alors, merci pour le Fertoire Rock In Fest. On se retrouve au mois de septembre. Prenez tous votre place et vous allez sur le Facebook et sur le site du Fertoire Rock In Fest. Et le podcast disponible dès demain pour écouter si vous voulez et reparticiper au concours. Au concours, bien évidemment. On vous rappelle la question 06 81 01 28 34, qui a encore deux titres à passer. Il y a un groupe qui va terminer ce Fertoire Rock In Fest, le dernier groupe. Ils ont une particularité, ils rendent hommage à quelqu'un. À qui rendent-ils hommage? Et vous repartez avec votre place. Merci à vous, merci d'être venu. Merci parrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que Phil est le parrain de la journée du samedi. C'était une évidence. Voilà. Merci à vous, en tout cas c'était un grand honneur pour moi. C'était Rock, c'était fort. C'était fort, c'était chaud. C'était le Rock for Show. Bye bye, à la semaine prochaine.